Lévitique chapitre 24. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, commande aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile vierge pour le luminaire, afin de faire brûler les lampes continuellement. Aaron les arrangera devant l'Éternel continuellement, depuis le soir jusqu'au matin hors du voile du témoignage dans le tabernacle d'assignation, c'est une ordonnance perpétuelle en vos âges. Il arrangera, dis-je, continuellement les lampes sur le chandelier pur, devant l'Éternel. Tu prendras aussi de la fine farine, et tu en feras cuire 12 gâteaux, chaque gâteau sera de 2/10. Et tu les exposeras devant l'Éternel par 2 rangées sur la table pure, 6 à chaque rangée. Et tu mettras de l'encens pur sur chaque rangée, qui sera un mémorial pour le pain, c'est une offrande faite par feu à l'Éternel. On les arrangera chaque jour de sabbat continuellement devant l'Éternel, de la part des enfants d'Israël, c'est une alliance perpétuelle. Et ils appartiendront à Aaron, et à ses fils, qui les mangeront dans un lieu saint, car ils lui seront une chose très sainte d'entre les offrandes de l'Éternel faites par feu, c'est une ordonnance perpétuelle. Or le fils d'une femme israélite, qui aussi était fils d'un homme égyptien, sorti parmi les enfants d'Israël, et ce fils de la femme israélite, et un homme israélite se querellèrent dans le camp. Et le fils de la femme israélite, blasphéma le nom de l'Éternel, et le maudit, et on l'amena à Moïse. Or sa mère s'appelait Sélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Et on le mit en garde jusqu'à ce qu'on leur eût déclaré saint, qu'ils en devraient faire selon la parole de l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, tire hors du camp celui qui a maudit, et que tous ceux qui l'ont entendu mettent les mains sur sa tête, et que toute l'assemblée le lapide. Et parle aux enfants d'Israël, et leur dit, quiconque aura maudit son Dieu, portera son péché. Et celui qui aura blasphémé le nom de l'Éternel, sera puni de mort, toute l'assemblée ne manquera pas de le lapider, on fera mourir tant l'étranger, que celui qui est né au pays, lequel aura blasphémé le nom de l'Éternel. On punira aussi de mort celui qui aura frappé à mort quelque personne que ce soit. Celui qui aura frappé une bête à mort, la rendra vie pour vie. Et quand quelqu'un aura fait un outrage à son prochain, on lui fera comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon le mal qu'il aura fait à un homme, il lui sera aussi fait. Celui qui frappera une bête à mort, la rendra, mais on fera mourir celui qui aura frappé un homme à mort. Vous rendrez un même jugement, vous traiterez l'étranger comme celui qui est né au pays, car je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse donc parla aux enfants d'Israël, qui firent sortir hors du camp celui qui avait maudit, et l'assommèrent de pierres, ainsi les enfants d'Israël firent, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.